Je n'aurais jamais dû y croire, et j'y croyais pourtant. Elle était si jolie, l'histoire, et j'avais 17 ans. J'ai cru voir au fond de ses yeux quelque chose de bleu, mais ce n'était que la mer. Ce n'était que la mer. Quand la nuit est venue bientôt sur nous se refermer, étendu sur le sable chaud, nous sommes aimés. J'ai cru dans mon cœur était fou, qu'il disait des mots doux, mais ce n'était que la mer. Ce n'était que la mer. Je n'aurais pas voulu. Quand plus tard j'ai ouvert les yeux, il avait disparu. Et si j'entends comme un sanglot parfois au bord de l'eau, est-ce la mer ou le vent? Est-ce mon cœur simplement?